l'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est parti jusqu'à 18h, on est heureux de vous retrouver et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Attends, je vais juste me reconnecter, voilà, parce qu'il y a pas mal de gens qui me contactent sur le live de Facebook, nos invités qui sont dans les studios bien installés, bien sûr, bien au chaud dans la radio. Je vais commencer par les dames. Bonjour Annie. Bonjour. Comment elle va bien Annie? Oh, très bien. Une belle voix Annie. Merci. Ouais, y a pas de... J'ai pourtant pas une voix de radio. Ouais, non, mais il n'y a pas besoin d'avoir une voix de radio pour être invité. Hein. Heureusement qu'on sélectionne pas les invités avec des voix de radio, sinon on n'aurait personne. C'est méchant ce que tu dis, non? Bonjour Patrick. Bonjour Francky, bonjour à tout le monde. Toi, t'es un habitué des lieux, toi, depuis 3 ans. Tu viens régulièrement, c'est vrai. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Je voulais lancer une petite émission le lundi avec deux personnalités, vous. Je sais, toi, Patrick, que t'es proche des gens, proche des personnes, et ça me fait vraiment plaisir. Et puis tu es venu avec donc Annie qui va se présenter. Annie, alors m'a expliqué vite fait, parce qu'entre deux passages d'antenne, elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait encore dans la vie, et elle va nous le dire aujourd'hui, Annie. Alors Annie, on commence par quoi? La thérapeute, la médiation, celle qui a inventé un métier qui n'existait pas. Ouais, alors voilà. Tu m'as raconté ça. Ça vient quelqu'un du Liban qui t'a amené ça. Non, d'Israël. J'ai rencontré tout à fait fortuitement, ouais, un personnage extraordinaire, un peu le prophète de Dürer, mais ouais, avec 1m60, quoi. Un psychologue qui avait fait ses études avec Piaget et qui a inventé des techniques ouais, pour pouvoir aller chercher les petits grains de sable qu'il y a dans la tête des gens qui les empêchent de penser au mieux. Ah ouais, ça c'est important aujourd'hui dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont... Et je crois que c'est de pire en pire, hein, malheureusement, dans l'évolution. Avec les années, des gens vont mal. Ouais. Donc ces outils sont utilisés partout dans le monde. Mmh. Aux États-Unis, c'est utilisé pour les gens qui veulent prendre une année sabbatique pour créer leur propre entreprise. Ouais. Mais c'est beaucoup utilisé auprès des personnes handicapées. Ah ouais, aussi. Puisque de toute façon, on a tous des petits grains de sable qui nous empêchent de penser à un moment ou à un autre. Il y en a qui ont carrément des grains de sable. Hein. C'est ce qu'on dit hein, quand on dit on a un grain. Hein, c'est un peu, c'est ça. Il y en a qui ont des grains, je suis d'accord. Ouais, ouais. C'est pas le même grain de sable. Par contre, eh ben, on en parlera plus profondément tout à l'heure, si tu veux bien, Ali. Bien sûr. Et puis, tu es assisté aujourd'hui de Patrick. Hein. Patrick, toujours là. Hein. Ça me fait sourire quand tu viens parce que j'aime bien voir ce personnage. Moi, non, mais pour moi, t'es un personnage parce que t'es apaisant comme mec, je trouve. Si on veut... Est-ce qu'on peut te définir comme ça? Parce que moi, je te définis comme ça, mais... Oui. Est-ce que c'est si ça on veut l'aider, si on veut aider les gens à être bien, il faut d'abord être bien soi-même et prendre le temps. Ouais. Et prendre le temps, c'est effectivement ne pas s'affoler, écouter d'abord les gens, et c'est à travers ce qu'on écoute qu'on peut les aider prendre le temps de pouvoir mettre des mots et les aider à mettre des mots sur ce qui est un peu leur histoire, leur vie et leurs difficultés. Agnès et Toudoui, vous connaissez bien parce que vous êtes rencontrés à Compostelle, parce que voilà, faut dire les choses aussi, c'est ça? Nous marchons régulièrement. Sur la route, vous êtes rencontrés ou alors vous êtes partis ensemble? Nous sommes partis sur le chemin de Compostelle ensemble. Ouais. Et puis, elle fait partie de l'association Compostelle 45. Mmh. Donc voilà, c'est vrai qu'on se... on se côtoie régulièrement et on prend le temps de discuter ensemble, tout à fait. Et c'est important de prendre du temps pour discuter avec les gens aussi. Hein. On va parler médiation, on va parler thérapeute, si tu veux. Thérapeutie, on dit thérapeute, je sais pas. On dit thérapeute. On dit thérapeute, bah tu vois, je me suis pas trompé. Dans quelques minutes, avec vous les amis, il y a Antoine qui sera notre invité aussi. Hein, ouais, il va peut-être parler avec vous, il a peut-être des grains de sable qui sont pas bien placés. On en parle avec lui, si vous voulez, dans quelques minutes. Annie est notre invité avec mon ami Pat. Ça me fait vraiment plaisir. C'est Gims qui arrive avec Tu vas me manquer. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer. Ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. J'en perds mes mots, que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. que mon corps supportera ton absence. Je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. C'est vrai que tu vas me manquer, hein. Le matin vous me manquez d'ailleurs, mais on est bien aussi l'après-midi, 16h-18h, c'est Francky dans la radio. Renette là, 16h-19, on est en direct, 96.2 FM, vous êtes nombreux à nous écouter dans les voitures là, si vous rentrez du boulot, eh bien, tranquille, tranquille sur la route. Hein. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis elle sera avec nous au téléphone tout à l'heure avant 18h. J'espère Marie-Agnès Linguet, la mère de Fleury-les-Aubrais. Oui, on va peut-être réagir si Annie et Pat veulent réagir, pas de problème. Marie-Agnès Linguet, la mère de Fleury qui s'est fait agresser, malheureusement. Ouais, je suis très en colère parce que c'est une bonne amie à moi qui s'est fait agresser. C'était dimanche à 13h à Lamballe, à Fleury-les-Aubrais. Ouais, une personne est venue, en plus alcoolisée, donc elle a pris un parti. Les forces de l'ordre sont intervenues. Heureusement qu'on en est pas mis en main, mais bon, les habitants de Fleury-les-Aubrais ont pris sa défense et puis elle a dû porter plainte. On devrait l'avoir au téléphone normalement si elle sort du séminaire avant 18h. Voilà, Marianne Eslinguet qu'on salue au passage, qui vient régulièrement à la radio, et je suis un peu déçu là de ce qui s'est passé, et un peu en colère aussi en même temps, mais on en parlera plus profondément dans quelques minutes. Et puis on aura au téléphone aussi Vicky. Vicky, une histoire qui arrive parmi d'autres. Vous savez que des fois sur Facebook on croise des photographes qui vous disent bah moi je peux faire des photos de mode, je peux faire des photos ça, et puis des fois ça finit mal ou pas, et en fait c'est pas des photos comme on croit, c'est des photos un peu dispersées, on va dire, hein. Vous voyez ce que je veux dire. On va en parler avec Vicky qui a vécu une expérience comme ça dans moins de 5 minutes, on l'aura au téléphone. Voilà, elle va nous parler un petit peu de son problème qu'elle a eu avec un photographe. On ne donnera pas de nom à l'antenne, j'ai pas le droit déjà, parce que s'il y a un procès quoi, attends, je vais pas être emmerdé, moi je vais pas l'engarder à vue non plus. Non, faut pas m'emmerder non plus. Ça je voulais dire. Et puis Antoine Amos qui sera aussi notre invité tout à l'heure. Et puis Vicky, on aura 16h30 au téléphone. On va l'appeler tout de suite. Renette Lin, Loquet Passo et puis Louis Bertignac et les visiteurs. Ça c'était en 1987. Forcément, on a peut-être emballé là-dessus en discothèque dans les sauts, comme il y avait des sauts à l'époque. Ah ouais, pour les anciens, Annie, elle a dû connaître ça. En 87, j'en étais plus là. Ah bon, voici les visiteurs, ces idées-là. Je voudrais rentrer, tu vois, je suis en malheur avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir, à me demander, tu peux bien aller. Tu n'as pas pu rentrer, je peux faire une croix sur toi. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras. Comment ne pas crier, comment ne pas pleurer. Oh, je suis fatigué. Faut pas me laisser traîner là. est en direct aujourd'hui, 16h23. J'ai tellement d'heures dans la radio que je ne sais plus laquelle qui est la bonne. En tout cas, on est bien avec vous, c'est Francky. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 96.2, Vicky qui doit être avec nous au téléphone. Comment elle va bien, Vicky? Ça va bien, merci, impeccable. Ah, t'as dû mettre la radio derrière, non? T'as pas la radio qui tourne? Ah non, c'est rien. Ah, parce que j'entends la radio derrière, c'est pour ça, je me suis dit, peut-être qu'elle a mis la radio. Ah non, c'est moi qui ai dû mettre la radio, attends, on va couper tout ça, voilà. On va tout fermer. Voilà, c'est les jingles qui tournent en même temps, c'est pour ça. Okay. Comment elle va, Vicky? Eh ben écoute, tout va bien. Comment tu vas bien, Vicky? Allô, Vicky? Ah, je crois qu'on était coupé avec Vicky. Bon, on va la retrouver dans 3 minutes. Ouais, parce qu'en fait, elle a dû mettre la radio, c'est pour ça. On va retrouver Loque Paso, la bachata, et puis on reprend Vicky en direct. En direct, Francky dans la radio et Vicky qui est avec nous, on la prend tout de suite. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Normalement, ça devrait aller mieux là. Vicky est toujours là. Tu m'entends, Vicky? Allô? Ah, Vicky, ça y est, j'ai eu peur. Tu vas bien? Oui, je t'entends super loin en fait. Ouais, je suis loin, je suis à Orléans, c'est pour ça. Ouais. Vicky, comment elle va bien, Vicky, alors, en direct sur Radio Arc-en-Ciel? On est en décalé, c'est pour ça. Tu m'entends bien, Vicky? Non, je t'entends super mal, je comprends pas trop ce que tu me dis. Bah pourtant, je suis à côté de toi, hein, pourtant. Ah, là, je t'entends mieux, là. Tu m'entends mieux, là? Ouais, je t'entends mieux. Ah, bah voilà, Vicky. Bonjour, Vicky. Alors, on va dire un petit peu ce que tu fais d'abord dans la vie. Vicky, t'es venue plusieurs fois à la radio. Oui. Ouais, tu fais quoi dans la vie, Vicky? Alors, dans la vie, eh ben, je suis charmeuse de serpents, autrement dit, j'élève des serpents. Voilà, et je suis manipulatrice de feu, et je faisais donc des représentations de feu et d'artifices. Voilà. Et t'en fais des belles choses. En tout cas, c'est des beaux spectacles que je suis de temps en temps sur les réseaux, notamment Facebook. Et c'est du beau spectacle. Hein. Moi, je peux vous la conseiller justement, ça, pour un mariage, un anniversaire, ça passe bien, ça, hein? Ou autre, hein? Oui, bah oui, oui. Ouais. Pour les mariages, les anniversaires, voilà. Ouais. Les fêtes de village, on fait tout événement festif. Voilà. Alors, je venais vers toi parce que j'ai croisé une de tes publications, ça m'a intéressé aujourd'hui pour la radio, sur le réseau Facebook, hein, qu'on va nommer aujourd'hui. Je disais tout à l'heure en antenne, il faut toujours essayer, enfin, pas tout le monde, mais se méfier aussi quand on vous fait des propositions de photographie, c'est ça, Vicky, si je me trompe pas. On peut tomber dans des panneaux un peu piégeux. Ça peut arriver. Toi, tu as eu cette expérience-là? Oui, j'ai eu cette expérience-là il y a 5 ans. Donc oui, j'ai vu le post ce matin, donc j'ai réagi. Ouais. Voilà, oui, moi, il y a 5 ans, voilà, un photographe m'avait proposé de faire un reportage sur moi. Ouais. Voilà, donc il me paraissait sympa. J'avais dit ok, pas de soucis. Ouais, il t'a bien appâté, on va dire. Ouais, salut, ça va, j'ai envie de faire des trucs avec toi, des photos, des photos. Voilà, hein, oui, ouais. Oui, voilà. Après, dans le monde, voilà. On va faire des photos sympas, c'est gratuit, t'inquiète pas. Quand on dit c'est gratuit, ça peut être sympa, parce que c'est vrai que des photos, c'est pas donné aujourd'hui, des belles photos, hein, quand on veut se faire un book comme toi, par exemple, tu aurais pu te faire un beau book avec ça, c'est ça aussi, hein, le but aussi. Bah oui, voilà. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, que voilà, justement, on va en venir pour éviter ces arnaques. Je pense que déjà prendre des vrais professionnels. Mmh. Là, après, on évite ce genre d'embuscade, en fait. Ouais. Donc voilà. Donc moi, il m'avait proposé ça. Donc son thème, c'était le sport. Voilà. Donc je faisais du sport. Je faisais bon bah de la musculation et puis de la pole dance. Ouais. Voilà. Donc on était parti sur ça. Et en fait, arrivé sur le fait, et ben monsieur parlait. Et arrivé à un moment donné, il m'a dit pour avancer dans le reportage, ce qui serait top, ça serait de prendre des photos sous la douche. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est ouais, le sport, la douche, je vois pas trop le rapport, mais bon. Ouais. Et là, t'as réagi. Voilà, parce qu'on a tué, voilà. Ouais. C'est du sport, faut laver tout ça, donc. Et là, moi, j'ai vite compris le truc et je lui ai fait non, merci, au revoir, quoi. Bon, après, j'ai eu quelques photos qu'il m'avait envoyées. Bon, elles étaient pas top. C'est que là, après, je me suis dit, bon, bah, je me suis fait avoir. C'est une arnaque, ouais. Ouais, voilà, une arnaque. Donc, faut savoir qu'il y en a beaucoup. Hein. Après, j'ai eu d'autres propositions. J'en ai eu beaucoup. Bien sûr. Des choses comme ça où ils te proposent un partenariat, c'est gratuit, voilà. J'ai un studio mais en fait, voilà, c'est chez eux. Ouais. Alors, on va dire qu'à la base, c'est assez appâtant parce qu'on propose bah, des photos gratos, comme je le disais tout à l'heure. Ça coûte assez cher des photos maintenant, c'est vrai. Des belles photos, hein, je parle. Hein. Parce que maintenant, n'importe qui peut faire des photos qui sont portables. Mais de belles photos de professionnels retouchés, etc., remises à ton goût, à ce que tu attends de la photo, ça coûte assez cher. Donc, quand on te dit, bah, c'est gratuit, j'ai un studio, j'ai tout ce qu'il faut, bah, viens, bah, c'est aussi attrayant, alléchant, non, à propos. Bah oui, après il y a aussi des amateurs qui sont corrects. Hein. Ah, il y en a plein, on met pas tout le monde dans le même panier, attention. Hein. Ouais. Oui, voilà, il y en a qui font des belles photos, qui sont amateurs, qui font des photos comme ça. Généralement, eux, ils m'envoient des photos que bah, ils viennent me voir en spectacle et voilà, ils m'envoient leurs photos. Généralement, c'est comme ça que j'arrive des fois à avoir des photos. Mais il est vrai qu'après... je pense qu'il faut faire super attention. Bah toi, je vais dire, t'as de la bouteille quand même, entre guillemets. Donc tu fais attention. Oui, voilà, non, mais je parle pour les jeunes, par exemple, aujourd'hui, une jeune fille ou un jeune mec qui a pas mal physiquement, etc. Il peut être justement berné par ce genre de proposition. Vicky, ça bah, peut. Oui, ouais. Oui. Alors, pour petite anecdote, j'ai ma fille, bon, maintenant elle a 18 ans, mais en fait, c'est pas vieux cette histoire, c'était l'année dernière, pareil, un spectacle, elle était avec moi. Ouais. Pareil, c'était un photographe, voilà. Bon, moi, je l'ai envoyé le poulet, le photographe, il a attendu qu'en fait, que je m'absente deux minutes. Ouais. Et voilà, il a envoyé de la poudre aux yeux à ma fille, donc voilà, donc et au bout d'un moment, j'ai dit, mais non, tu fais pas ça, j'expliquerai plus tard. Sur le coup, elle comprenait pas, après, je lui ai expliqué, et voilà, elle était. Ça l'avait un peu choqué, mais voilà, je lui ai dit, bah, c'est comme ça, faut y faire hyper attention, quoi. Ouais, en tout cas, moi, je voulais parler de ça parce que, surtout pour se méfier pour les jeunes aujourd'hui, hein. Patrick, toi, t'es tout ouïe, là, t'es tout pensif, t'écoutes avec attention le discours de Vicky. Ouais, tu en penses quoi aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a rien qui est gratuit. Ouais. Ah, ça c'est la sagesse qui parle. Et qu'à ce moment-là, il faut toujours faire attention, comme dit Vicky, effectivement, toujours faire attention à ce qu'on nous propose et savoir un peu, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a par derrière. Mmh. Ah oui, donc c'est ça. Ça c'est super important. Mais Vicky, elle s'en est vite rendu compte, je pense, quand on lui a parlé de douche, c'est dit, oh là, c'est bizarre. Moi, c'est clair. Hein, Vicky, quand t'es dans le... Ouais, c'est vrai. Bon, après, il n'y a pas que les photographes où il faut se méfier. Ouais. Faut pas non plus faire un cliché, mais... Faut pas un cliché, moins de là. Voilà. Non. Ouais, après, faut super faire attention. Et je pense que les filles qui sont victimes de ça, faut qu'elles osent en parler, en fait, pour éviter la prochaine et puis que ça aille trop loin, quoi. Ouais. Et Annick est là, thérapeute, mais on parle de médiation aussi, thérapeute. Alors là, c'est la thérapeute, toi, peut-être rien à voir, mais t'as un truc à dire là-dessus, toi, Annick. De toute façon, en tant que femme, on est toujours fragile devant la société. De quoi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. En tant que femme, on est toujours fragile. On a des, il n'y a pas que les photographes qui risquent de nous tomber dessus, et ça peut arriver à tout âge et dans toutes circonstances. Ouais. Il faut effectivement être très vigilant, comme dit Patrick, rien n'est gratuit. S'il y a des propositions qui sont faites un peu alléchantes, faut y regarder à deux fois. Maintenant, ça peut aussi être très honnête. Hein. Ça peut être honnête aussi, parce qu'on met pas tout le monde dans le même sac, Vicky. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des pros et on les salue au passage, hein, les vrais. c'est ça. Oui, voilà, voilà. Bon, malheureusement, les filles qui tombent vraiment dans le panneau, je peux comprendre, hein, les petits jeunes sont naïfs, voilà. Ouais. Bah, c'est alléchant, hein. Ouais. Quand bah, c'est alléchant, voilà. Bon, comme tu dis, moi, j'ai de la bouteille, voilà. Maintenant, je les repère à 15 kilomètres. mais voilà, je comprends que les petites jeunes s'en font vite avoir. Ouais. Et voilà, faut pas qu'elles se renferment à se dire, bah, je me suis fait avoir. Voilà, faut qu'elles en parlent. Voilà, il y a des choses qui sont faites pour les aider. Et voilà, faut pas rester dans son petit coin. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, en tout cas, merci de ton petit témoignage aujourd'hui, Vicky. Voilà. C'est bien d'informer les gens aussi qui nous écoutent. Ouais. C'est bien. Oui. On est là pour ça, hein. Oui. L'information, c'est important. Oui. Et tu viens quand tu veux à la radio avec tes serpents, hein. Ben, je sais bien. T'es bon invité quand tu veux, un après-midi, dès que t'es dispo, tu me le dis, et puis on se cale un rendez-vous, Vicky. D'accord, et eh ben ce sera avec plaisir. Voilà, faire attention, Vicky, je sais pas si rien n'est gratuit avec Francky. Bah ouais, par contre, faut faire gaffe, hein, si tu vas à la radio. Non, mais Vicky, elle est déjà venue deux, trois fois, elle connaît le personnage, hein. Moi, il y a pas de proposition. Mais si c'est toi qui amène le serpent, c'est pas pareil. Alors là, rester enfermé dans une pièce avec Francky, je sais bien qu'il m'arrivera rien. Non, rien. Bah moi, j'ai des serpents, mais c'est pas les mêmes, hein, attention. Oh, un peu d'humour, ça fait du bien pour décroisser les gens l'après-midi, hein. Voilà, c'est ouais, pas méchant. Ouais. Et moi, il y a pas d'arrière-pensée, bon, vous pouvez venir tranquille à la radio. Hein. Merci Vicky de ton témoignage. De rien. Bonne journée à toi. Et puis, bonne fin d'après-midi. Merci, salut Vicky. Merci. Ouais, sympa la Vicky, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Annie, excuse-moi, j'allais t'appeler Marie, je sais pas pourquoi. Parce que je pensais une Marie, c'est pour ça peut-être. Non, elle est sympa. T'as vu ce qui lui est arrivé, c'est une histoire de fou quand même. Tu non, vois. Non, c'est une histoire de fille. Ça arrive à toutes les filles, ouais. À un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Ça arrive. En tout cas, méfiez-vous, les filles ou les mecs. Hein. Attention, je parle de filles, mais on peut parler aussi de mecs. Hein. Larissa qui arrive. Et puis, il y aura un invité, tiens, Antoine, qui sera dans les studios de la radio. On va parler thérapeutique, on va parler médiation avec lui. Bah, et puis, c'est avec toi, ça, Patrick. Patrick, heureux d'être là. Sous le clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Aïe, bébé, le mal est fait. Il faut changer de tempo. Clap final, allez bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait me couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route chercher. Tes yeux réalisés que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y, y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe aimé ici. Je sais bien t'es ma lady, je t'ai donné tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter, sur ce baiser salé. Je sais bien t'es ma lady, préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter, sur ce baiser salé. Un violoncelle seul, déboussolé sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Des non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je sais bien t'es ma lady, je t'ai donné tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter, sur ce baiser salé. Je sais bien t'es ma lady, on préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter, sur ce baiser salé. Sur ce baiser salé, je me sais bien t'es ma lady, je préserverai ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter, sur ce baiser salé. C'est bien, t'es my lady. C'est Larissa de Portugal. Baiser salé. Baiser salé, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire les larmes qui coulent. Ah ouais, la traduction du titre, c'est-à-dire qu'on bah une déception amoureuse, assez barré, bah il pleure, voilà, donc ça fait des larmes salées, le baiser salé de Larissa, c'est sûr, on a conseillé de la météo pour demain, on va faire le plan tout de suite. La météo. La météo pour demain, mardi. Demain, on est le, je sais pas, on est le 8, je crois, 8 octobre. Ça passe vite, hein. On n'a pas vu les vacances passer. Vous êtes parti pour en vacances, Annie? Oui. Ouais, t'es parti où? Au Cap d'Agde? Non, je suis parti au Ladakh. Au Ladakh, c'est où, ça? C'est à côté c'est de Lada? C'est le petit bout de l'Inde, tout à fait dans le nord, qui est coincé entre l'Afghanistan ah ouais, et la Chine. Ah ouais, je crois que c'était une ville à côté de Bordeaux, moi, à côté non, de Pessac. Pas du tout. Non, la ville s'appelle Leh. Ah, non, tu voyages beaucoup comme ça? Je voyage un peu, quand Patrick, je peux. C'est Patrick, t'es parti en vacances, toi, au Cap d'Agde, non? Non, en plus, je suis resté à Orléans à accueillir les pèlerins qui passaient. Ah oui, c'est vrai, ouais, bah oui, à Compostelle, ouais. Donc la météo pour demain, moi je dérive tout, moi. Je pars de la météo au Cap d'Agde. Et puis à l'Inde aussi. En tout cas, j'ai jamais été de ma vie en Inde, mais ça va être un pays magnifique. Il pleut beaucoup là-haut, on m'a dit, non? Très, très beau. Non, ça va. Oui, ça dépend. Enfin, pendant la mousson, oui, effectivement. Ouais, ouais. C'est... Heureusement, c'est ça qui donne la vie après. Mais tu vois comment je rebondis, parce qu'en parlant de pluie, demain, il y a de la pluie. Oui, mais les jardins sont contents. Ah, voilà. Et puis, ça fait du bien. On a eu une canicule, là, cet été, impressionnante. Voilà. Hein. Donc, on a besoin d'eau dans le Loiret, partout en France aussi. De la pluie, malheureusement, demain, sur la région, avec beaucoup de nuages. Les températures au lever du jour, 13 degrés. Ça va, il fait bon le matin, 13 degrés. Hein. Mmh. Limite, on peut partir en Bermuda encore. Hein. En scooter. Toi, t'es en scooter, Pat. Ça va. C'est pas trop, ça va être galère demain avec la pluie, non? Jusqu'à 16 degrés, malheureusement, bah, les nuages seront là, la pluie sera bien de retour sur Orléans. Il est dingue, il s'appelle Ritza, l'Orléanais qui a cartonné autour à côté de la cathédrale, c'était la semaine dernière. C'est Ritza, mon pote, Maxence, il s'appelle, voilà, je balance des noms à l'antenne. Il est dingue, on est fiers de l'écouter sur la conciel. J'ai vu des faux amis, des gens que j'estime s'en aller. J'essaie de rester calme, ça sert à rien de s'emballer. J'sais pas vraiment ce qu'on veut, en inconnu on fait que m'appeler. Non, on veut pas me lâcher, j'prends mes bagages en aller. Miss, retrouve-moi en ville, moi j'vais me pavaner. J'sais pas, j'aime pas ton style, quoi, je l'ai pas vanné. J'vais me caler au tacos, puis j'ai deux, trois choses à régler. Tu peux tout remballer, j'viens pas à ton RDV. J'ai mes lunettes de soleil, j'suis posé dans le sud. Toi tu fais trop de manières, si tu parles à Sim. À FIFA j'lâche pas la manette, 3-0 j'assure. Tu ne fais que râler, allez fonce dans le mur. Quand la devise on la connaît, il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie. Fais la timide on te connaît, tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. J'aime bien te coller, je suis dans mon monde, on dit que je suis malade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, je calcule personne, tu sais, je me balade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Crois pas que je fais la star, mais moi je donne pas mon numéro. J'ai ajouté son snap, elle a voulu que je lui passe l'anneau. Tu peux me voir en survêt sur les champs à Vapiano. Jamais sans le frérot, j'suis calé avec Samo. Là on a mis les warnings, ouais, on reste pas longtemps. T'es là, tu me parles de feeling, toi, tu m'appelles le sang. Et l'autre me dévisage, j'crois qu'elle me trouve élégant. Tu tombes, tu perds ton temps, j't'ai grillé, fais pas semblant. Vas-y, passe voir un film, les autres ils sont vilains. Il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Je calcule personne, tu sais, je me balade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Je calcule personne, tu sais, je me balade. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. On l'aura sûrement au téléphone demain, c'est Ritza avec Mamma mia. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui vous aime. Ouais, on vous aime, hein. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis nos invités qui sont là, il y a Annie qui est paisiblement allongée dans le fauteuil. Ça va, Annie, ils sont confortables, les fauteuils de la radio? Tout va bien. Tudo bem, c'est ce qu'on dit en portugais, au Brésil. Tudo bem. Et vous aussi, j'espère que vous vous baignez en ce moment. Non, peut-être pas, parce que là, les températures vont descendre. On va parler de mon plan aussi. Patrick qui est là, Patrick qui est assis dans les studios. On aura Antoine qui sera dans les studios aussi avec nous. On va parler thérapeutique, on va parler de médiation avec Antoine. Ouais, Antoine, il a envie de parler en ce moment. Donc, ça va lui faire du bien de parler avec toi, Annie, je pense. Et ça va lui remonter le moral. C'est un super ami à moi. Et puis, il voulait parler, il voulait dire des choses. Et ben voilà, il a l'occasion de s'exprimer en direct à la radio dans moins de 10 minutes. Tranquille Jardin, c'est la ville de Fleury-les-Aubrais. Parce qu'on a Fleury-les-Aubrais. La radio est à 266 Faubourg Bannier. D'ailleurs, si vous êtes dans les parages, bah arrêtez-vous, hein, je vous paye un café, moi. C'est 5 euros. Je me fais un peu de thune. Bah, j'essaye, hein, 5 euros le café. Si on vendit sur le lieu, je me fais 50 balles. Voilà, c'est vite fait le calcul. Ouais, les fins de mois sont dures, hein, en ce moment. Hein. Troc et Jardin à Fleury-les-Aubrais, c'est avec la mairie et ça va être du lourd. Hein. Si vous êtes passionné de jardinage, rendez-vous donc le samedi 12 octobre. Le Troc et Vite Jardin est de retour, donc ce samedi 12 de 9h à 17h et c'est au parc de Lamballe. Voilà. Alors, vous êtes particulier ou professionnel, eh bien, venez vendre, échanger, donner des arbustes, des plantes, des graines ou encore du matériel de jardinage. Le traditionnel concours de la plus grande courge sera au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Ismar, Patrick? Ça te fait, quand je dis la plus grande courge, ça fait penser à quelque chose de bizarre? Non, non, je croyais, parce que tu te marres, moi, quand je parle de courge. On parle d'une courge, on parle d'une copine aussi. Oh, quelle courge, celle-là, hein? Ça se dit encore, ça? C'était l'ancienne, ça, peut-être, non? Et bien la plus grande course, le concours de la plus grande course sera ouvert à tous les habitants de Fleury, extérieurs ou pas. Ça, je fais marrer les gens, c'est vrai, hein, j'ai un truc pour faire marrer les gens, c'est ce qu'on me dit. Et vous pouvez encore réserver votre emplacement gratuitement jusqu'au jeudi 10 octobre et vous appelez directement, bah, c'est à la mairie, hein, 02 38 71 93 60. Vous rendez directement à la mairie de Fleury-les-Aubrais. Et on espère avoir Marie-Agnès Linguet avant 18h. J'espère, donc on rendez-vous là. On conseille, elle va essayer de nous appeler avant 18h. Elle m'a dit j'essaye, Francky, promis. Et Antoine qui sera aussi notre invité dans moins de 10 minutes à la radio. Merci Annie d'être là aujourd'hui, ça me fait plaisir. Encore une petite demi-heure ensemble, même pas, ça te va? Ça va, t'es pressé? Non, pas à la retraite? Bah oui. Oh bah ça va, t'as toute la vie. Patrick, bon bah toi t'es paisible, à la retraite. Et avant d'en accueillir Antoine, on va reparler justement un petit peu de Compostelle, tiens, avec toi si tu veux bien, Annie, juste après Daddy Yankee. Ou alors un peu de tendresse dans ce monde de brut. Tiens, on parle de courge, en voilà une. Non, Jennifer, c'est sur l'arc-en-ciel.

je les vois sourire dans les studios, c'est parce que ça doit leur rappeler leur époque, c'est pour ça. Ça doit être ça à mon avis. Hein. Aretha Franklin, respect. Elle nous a quittés il y a un an, hein. Aretha, ouais. Triste nouvelle, hein. Sacrée chanteuse de soul music. Ouais, superbe artiste. T'aimes bien toi? Ah, bah oui, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai mis plus que pour toi. Hein. J'allais pas te mettre un Gims ou un Kinsey. Hein. Ah si. Ah, t'aimes bien aussi? Gims, oui. Ah, Gims, il est connu, Gims maintenant. Hein. Moi j'aime bien. Aretha Franklin, lundi, aujourd'hui. Antoine qui est arrivé, on l'accueille tout de suite. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. T'aimes ça bidouiller Antoine, hein? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bidouiller les choses? C'est mon petit réglage, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'as tout réglé, les micros, tout va bien. Salut Antoine, tu vas bonjour, bien? Bonjour Francky. En forme? Oui, ça va. Ouais, ça va. Bon, tu l'as dit un peu nonchalant, ça va. Ouais, ouais. Ça va pas être ça à fond, à mon avis. je voulais juste vous dire que la mairie, c'est un message que j'ai envie de recevoir. La mairie de Fleury est ouverte le samedi matin si vous voulez faire des démarches administratives. Une carte bleue, ouais, n'importe quoi, la mairie. Une carte d'identité, un passeport, eh bien, elle est ouverte de 9h à 12h. C'est ce que me disait la mairie tout à l'heure au téléphone, parce que je les ai eus, parce que je voulais avoir Marie-Agnès Linguet. Elle m'a dit, j'essaierai de t'appeler avant 18h parce que je suis en réunion, mais pour parler de ce qui s'est passé dimanche, ouais, qui est intolérable et insupportable aussi pour moi. Donc je voulais rapidement en parler sans balancer des noms ou quoi que ce soit, mais pour aussi informer les gens, hein. C'est bien d'informer les gens de ce qui se passe des fois, de bien ou de pas bien. Antoine qui est dans le studio, Annie qui est là aussi, thérapeute. Annie. Alors on va faire une généralité parce qu'Antoine, bon, vous voulez dors mal la nuit. Antoine, c'est ça, hein. Tu dors mal, oui, la nuit, tu es très pensif, beaucoup de soucis, beaucoup, ouais, de soucis dans ce moment. On va pas rentrer dans les soucis, loin de là, la détail ça regarde personne. Exactement. Mais je me suis dit, tiens, une thérapeute aujourd'hui, ça pourrait peut-être aider Antoine. Sauf qu'on a des spécialités, ouais, et voilà. Que la mienne, elle est sur les difficultés d'apprentissage. Ouais, mais je me suis dit, de toute façon, ça peut aussi aider, parce que toi, t'as plein d'idées, Annie, dans ta tête. Si t'as aidé les enfants, les gens handicapés, tu peux peut-être aider Antoine aujourd'hui sur ce problème de sommeil, ce problème de... Ça, c'est des soucis. Moi aussi, je suis un peu pareil. Quand j'ai des trucs dans la tête, j'arrive pas à dormir. Je tourne dans le lit, je tourne. Patrick aussi, ça t'arrive, toi, non? Tout à fait. Ouais. Je crois que c'est une généralité en ce moment. Le stress, il est là en France. Hein. Il est bien plus présent qu'avant, je trouve. Moi c'est mon ressenti. Hein. Je trouve qu'on est plus stressé en France maintenant qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est certain. Annie, t'en penses quoi? Non. Nos grand-mères disaient, va prendre une douche, boire un verre de lait chaud avec du miel, ouais, contre les moutons. Je sais pas si ça marche. Ouais, les moutons. Ouais. Bah, les moutons, il y en a plus beaucoup maintenant. Donc, bah, moi, j'ai fait plusieurs troupeaux, là. Ouais, toi, t'as fait quelques troupeaux. En plus, il fait des blagues, Antoine. Et Patrick, il se marre bien. En tout cas, c'est jamais très sain de compter les moutons dans sa chambre. Faut pas qu'il y en ait trop sous le lit non plus. Ouais, c'est ça. Après, on aurait pu les placer. Voilà. Hein, compter les fourmis, c'est mieux, alors. Antoine, donc, alors, problème de sommeil en ce moment, problème de. Ouais. C'est par rapport à quoi, tout ça? Non, c'est dû parce que j'ai eu un décès dans ma famille. Ouais. Et donc depuis, avec la succession et tout, c'est très compliqué, donc c'est pour ça que voilà. C'est pour ça que t'arrives plus à dormir, alors. Voilà. Ouais. Alors si on avait une solution, alors que tu te disais, Annie, prendre une douche, prendre du lait chaud, ok. Ça c'est le revêt des anciens. Mais concrètement, Louis, qu'est-ce qu'il faudrait penser, quoi? Autre chose, passer à autre chose, voir autre chose, voir des gens, sortir, je sais pas moi. C'est ce que je fais. Tu peux marcher. Marcher. Ah ouais. Alors voilà, tiens. Ça, c'est un bon remède, marcher. C'est vrai qu'on m'a dit que marcher, ça vidait le cerveau. La marche au long cours. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? La marche au long cours, c'est marcher une vingtaine de kilomètres un jour et puis recommencer le lendemain et le surlendemain pendant 5, 15, 20, 30 jours, 2 mois, 3 mois. Et ça vide le cerveau? Ça, c'est... Il n'y a pas de remède meilleur pour le stress. Ah, le stress, ah ouais. Il y a des études aujourd'hui qui le montrent. Ouais, qui le prouvent. 20 km par jour. Ça fait... Mais c'est rien, ça. Par 200 mètres, quoi. C'est rien. Il commence à paniquer, là. 20 km. Oui, c'est dit 200 mètres, ok, mais 20 km. Et 20 km, j'imagine, c'est d'ici à la source, quoi, quasiment. En aller-retour. Hein. Non? À peu près, ça fait 10 mètres. Possible, oui. Ah ouais. C'est Orléans-Main-sur-Loire. Ah oui. Donc voilà. Ça fait 20 km. Voilà, et bah tu l'as train Loire, pour rentrer. Ah ouais. Et sur les bords de Loire, c'est magnifique. Ouais, toi, Patrick, t'es un habitué de la marche, donc pour toi, ça te fait pas peur les 20 km. Pour revenir à Antoine, je pense qu'effectivement, quand si la nuit on se prend trop la tête, on peut peut-être se lever et écrire quelque chose. Ah ouais, je vais mettre la musique à fond. Non. Écrire ce qui nous prend la tête. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai que les mots qui seront écrits, ce sera aussi des mots qui seront vrais, puisque le premier regard, c'est le nôtre. Ah ouais, d'accord. Donc Antoine, ça c'est une des solutions peut-être pour toi. Non mais non, je vais essayer. Parce que ça va permettre effectivement de pouvoir libérer ce qu'on pense. Ouais. Et après peut-être penser autrement, les choses autrement. D'accord. Et donc peut-être m'en boire avec un verre d'eau ou un verre de quelque chose en plus. Verre de lait tiède, voilà, avec du miel. Antoine. Ouais, je peux pas le miel, tu sais. Ah ouais, il est diabétique Antoine, voilà, donc il peut pas de le sucre. Mais... Non mais je pense qu'écrire quelque chose. Écrire c'est une solution. Ouais, ça. Ouais. C'en est une. J'ai jamais pensé. Une des solutions. Donc Antoine, ce soir, si moi je vais le faire aussi. Parce que moi je dors pas aussi la nuit. Donc si je vais pas bien ou si tu vas pas bien, on s'appelle pas déjà. Hein. Voilà. On écrit des choses et on écrit ce qu'on pense. En fait, Patrick, c'est ça, écrire ce qui se passe dans ta tête. Voilà, ce que tu, j'allais dire, dans la tête, ce qu'on a tout le temps et qui nous prend la tête, de l'écrire. Ouais. Mmh. Et après, ça mène à quoi alors? Moi j'écris. Tu me le diras après. Ouais, je te le dirai, j'écris. Mais moi je vais écrire un paquet de mots. Hein, j'allais dire écrire ce qui nous passe par la tête. Annie, c'est une bonne solution ça pour toi? C'est une très bonne solution. Ouais. Les mots MOTS sont toujours très bons pour les mots MAUX. Mmh. Ah ouais, oh, c'est bien, MAUX, ouais, d'accord. Les mots de tête, les mots. Ouais, ah ouais, j'ai. Ouais, c'est bien. Antoine, tu en penses quoi alors? Bah, écoute, je vais essayer, hein, ouais. Y a pas de souci. Écrire, donc ouais. Cette nuit, si ça, ça va. Je vais prendre mon bloc et puis voilà. Mon crayon. Tu prends un crayon, tu te mets une grande. Il faut se mettre sur une table où on peut faire ça dans le lit, dans le plumard. Le principal, c'est de pouvoir être bien quand on le fait. Quand on le fait, peut-être ouais. Mettre une musique qu'on aime bien aussi. Un truc qui nous permet d'être détendu. Après, chacun a son style de musique, chacun a sa façon de faire. Ouais. Mais l'important, c'est de se mettre dans un moment où on peut se sentir bien. Ah ouais, d'accord. Papier-crayon. Pas sur l'ordinateur. Ah oui, parce que la lumière de l'ordinateur ou du téléphone portable va dire au cerveau, c'est le jour, tu te réveilles. Ah ouais, donc Antoine, c'est ça aussi, fais gaffe, parce que toi, tu es souvent connecté sur le portable. Ah, oui. Est-ce que ça, c'est pas justement nocif la nuit, pas le portable? Dormir, je suis sur mon portable. Ça augmente le problème. Ouais. Voilà, parce que ton cerveau, il se dit, je suis réveillé, c'est ça? Oui, la lumière bleue en particulier, Antoine, qui sort de ses écrans. Tu me coupes ça cette nuit, tu me prends le cahier, là, à l'ancienne, et non, mais tu le fais sérieusement. Oui. Et une petite musique tranquille, hein. Tu me mets pas un CDC et Wait Well, hein. Non mais c'est vrai, un truc lounge. Il faut se mettre dans un moment où on se sent bien, où on peut prendre le temps de pouvoir se poser. D'accord. Voilà. En tout cas, une petite solution pour toi, Antoine. Bah oui, merci beaucoup. Voilà. Si ça peut t'aider, la marche, la lecture, etc., l'écriture, une petite musique tranquille. Essaye ça ce soir. Et va pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la nuit. C'est il y a un tel pour se pourrir la tête. Parce que là, ton cerveau, comme dit Annie, il se dit, il faut se réveiller. Et donc, non, faut pas se réveiller. C'est ça. Mm-hmm. Voilà. Merci Annie d'être venue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Merci. Bonne marche à Compostelle. Tu pars quand là, bientôt, non? Non, là, on repart pas cet hiver. Ouais. On repartira au printemps. Mmh. On a presque défini ce qu'on va faire ensemble. Ouais. On va partir un peu plus près de Saint-Jacques-de-Compostelle que ce qu'on avait déjà fait. Ouais. Et puis, on a le projet de dépasser Saint-Jacques-de-Compostelle et d'aller faire les points de la Galice contre la mer. Ouais. Fistera, c'est beau, la fin du monde, et Mouchia. On va voir comment on organise ça. Tiens, ça sera un bon truc pour Antoine aussi, Compostelle. Antoine, je sais que la marche est un peu plus compliquée pour toi, mais ça serait du bien un peu. On ira le faire un jour. Oui, parce que là, on est sur 300 km sur 12 jours. Ouais, quoi. Ouais, donc ça va, c'est tranquille. À notre rythme, tranquille. Ouais, à ton rythme. Et Compostelle, comme disait Patrick une fois, c'est à ton rythme. Il n'y a pas de record à battre. Hein. Tu vas tranquille. Si tu veux partir maintenant, t'arrives l'année prochaine, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai une pensée pour notre ami qui est parti faire le tour du monde. Oui. Hein, Virgile. Alors Virgile, il a laissé un message que j'ai vu hier. Oui. Voilà. Moi, je voulais dire un truc, c'est que Virgile, et ça, c'est la réalité. Il est venu à la radio quelques jours avant son départ. Je crois que c'est la veille. Hein. Il est venu. On était les premiers à le faire. Après, tous les médias m'ont piqué. Hein, voilà. Non, mais c'est pas grave. J'en veux pas aux médias. Je vais pas balancer des noms. Mais tous les médias m'ont piqué après. Moi, il est venu et Patrick, il est témoin. C'est Patrick qui me l'a présenté. D'ailleurs, merci beaucoup, Patrick. Et je le suis régulièrement sur Facebook parce qu'il met des petites vidéos. Des fois, c'est pas facile. C'est pour lui. Et on a fait un direct un matin avec lui. Il était, je sais plus dans quel pays. Oh, c'était énorme. Et on en fera un autre avec lui parce que il faut voir par rapport au décalage horaire. Oui. Ouais, parce que des fois c'est pas la même heure. Donc Virgile, on le suit. Et puis s'il rentre, j'espère qu'il va rentrer bientôt. Il nous a vraiment posté des images. C'est magnifique. Le Far West qu'on imagine avec les bisons, les mustangs, les grandes montagnes, les gros fleuves. Ouais. C'est extraordinaire. Et nous on est fiers parce que la première fois il était venu chez nous avant de partir faire faire le tour de la planète. Et il m'a promis, quand il rentrerait, de venir à la radio. Bon, peut-être pas le lendemain, mais quelques semaines après, de venir en parler. Et là, je peux te dire, là, c'est 2 heures d'émission, ça va pas être assez long. Hein, ça va pas être assez long parce qu'il y aura plein d'années. Merci d'être venu aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Et puis Compostelle 45 est toujours là, Patrick. Et vous pouvez devenir adhérent, vous pouvez faire aussi le chemin. Patrick, c'est le prochain rendez-vous de Compostelle, on peut en faire rapide, on peut en parler rapide. Il y a un rendez-vous là, qui arrive. Oui, le 18, on va dans un grand magasin à Chessy. Ouais. Pour faire une journée Compostelle, effectivement, le 18 octobre. Et ben voilà, des rendez-vous avec Compostelle 45. N'hésitez pas, si vous voulez devenir adhérent, ben voilà, c'est important d'être adhérent. Hein. Et surtout, quand on fait le chemin, n'oubliez pas d'avoir votre crédentiel, qui est le passeport qui nous permet de pouvoir obtenir tous les gîtes et d'avoir une place dans les gîtes de pèlerins. Et voilà. Merci les amis, ça m'a fait plaisir, ça me touche du fond du cœur. Merci. Vraiment, vraiment. Antoine Amos, merci. On va se boire un café. Juste Sophie. Après Sophia et Alvaro Soler. Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.

para parar. Trata de mí mismo para controlar, controlar, yo voy a controlar, controlar, yo voy a controlar. Trata de mí mismo para controlar, controlar, controlar. Não tenha medo, me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa, assim não dá tua vista, não consigo me controlar, tem cuidado da me cuia, não dá mesmo para parar, cata dá mesmo para controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar, cata dá mesmo para controlar. L'After Job avec Frankie, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Me ando con los tigueres a cualta. Tengo todo y tengo la vaca. Hermano, las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ, súbame hermano, las mujeres guapas, si todas son bellas. Hermano, la mujer es guapa, si todas son bellas, son bellas, ven pa' la tarima, que el ritmo te llama, y con el DJ, que, que, que, que. La noche es perfecta, derrumba buena, si todas son bellas, son bellas, ven pa' la tarima, que el ritmo te llama, y con el DJ, que, que, que. La Radio Arc-en-Ciel, ça fait du bien du son caliente avec Alexis Enfido, El Cata, El Chatal. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Ouais, c'est le numéro qu'il va falloir composer parce que j'ai du job à vous filer. Il y a une entreprise de la région qui cherche actuellement deux aides couvreurs avec CDI à la clé. Ça, c'est un bon plan. On veut des personnes motivées avec ou sans expérience. Si vous cherchez un job dans cette matière, eh bien, n'hésitez pas à me contacter à la radio, la 02 38 43 48 00. Et puis, je vous donnerai les bons contacts de l'entreprise. Voilà, donc deux aides couvreurs avec CDI à la clé. Je pense que ça peut être un bon plan. Kinvey qui arrive avec Lorelai, sa petite sœur. Et c'est la vie du bon côté. Everybody clap your hands, but, clap your hands. Everybody clap your hands, but, clap your hands. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Sur Radio Arc-en-Ciel. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Arc-en-ciel, Orléans, depuis 32 ans. La vie est belle sur Arc-en-ciel, Orléans. T'as tudo bem, tout en bien, t'as tudo bem. Vamos ver si tout a bien. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Y'en a qui sortent en équipe, pas venu monter une France en premier. Je suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de marathon. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un marathon, tu traînes dans un marathon. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Aime là que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fait, je suis torturé. Je pense qu'elle a su tra censurer. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa. On va le cacher à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tu te baignes. J'espère que tu te baignes aujourd'hui. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio en direct aujourd'hui. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah ouais, normalement il y a Victor qui est avec nous au téléphone. Salut Victor. Ça va? Comment tu vas? Comment bien, mon ami? Ça va, tranquille. Victor, d'où? Ouais, ça bosse, d'où Portugal? Ah ouais, le portugais, ça bosse, mon ami. Ouais. Tu travailles dans. Ouais, le... ouais ça bosse, ça. Il travaille toujours. C'est ouais. Ça, c'est ça que c'est bon, hein. C'est comme ça qu'on dit chez c'est vous. C'est ça que c'est bon. Ouais, ouais, un petit message à passer à tous nos amis portugais qui rentrent du boulot, qui bossent encore en portugais aujourd'hui? Oui. Ouais. Toute la gente a travaillé con forza et la saúde. Il est à toute la saúde. Voilà. Et tous les portugais qui me comprennent, voilà, il faut travailler et. On est obligé. Et s'amuser. Voilà. Travailler, s'amuser. Voilà. C'est ton mot d'ordre, toi, mon Victor. En tout cas, bah. Y aller toujours dans la discothèque au ah, set, ouais. C'est super. Ah, c'est pas mal. Voilà. Je parle bien là-haut. Ouais, voilà. Eh, merci, mon Victor. Ouais. Et puis, bah, passe une bonne fin d'après-midi, hein. Et toi aussi. Merci. Okay, ça marche. Tout bang. Merci. Tout bang, ça marche. Tout bang. Bon, bah, je vais me baigner bang. Aussi, moi. Salut, mon Victor. Bonne merci. Journée. Merci. Allez, la famille. Ciao. Ouais, ciao. Ok, ciao. Ciao. Vous m'appelez 0238 43 48 00. C'est le numéro du standard sur les passants en direct avec un tube qui arrive. C'est en 97, je crois. Kylie Minogue. Eh ouais, la belle Kylie Minogue avec ce titre qui a cartonné, qui était numéro un des clubs à l'époque. Brothers of the Devil. You know, voici Kylie Minogue sur la frontière. After Job avec Frankie l'après-midi. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Soy un Noel, lo envolví, lo mandé con las tres palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Oh, it's your boy, el latino francés, desde París para el mundo. Ondas positivas. Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu sé que me hipnotizaste. Yo fui solo un hombro donde lloraste. De ti me enamoré y fue pura pasión. Por ti tanto lloré hasta perecerazón. Oh, hoy yo tengo un nuevo amor, no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Ouais, ça fait penser aux fêtes de Noël, bah c'est bientôt Noël. Ah ouais, ça passe vite, hein. Ah ouais, joyeux Noël. On est avec vous, 17h37 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Frankie dans la radio. Et malheureusement, mauvaise nouvelle pour demain, la pluie va faire son apparition sur Orléans. La météo. Demain, on est le 8 octobre, mardi, de la pluie malheureusement avec beaucoup de nuages. Les températures sont plutôt pas mal quand même pour cet après-été, cette canicule, pour cet automne, on va dire 13 degrés jusqu'à 16. Ça c'est la température sur toute la région, mais malheureusement le nuage sera là, la pluie aussi. Mais bon, ça fait du bien un peu de pluie, hein, on a crevé de chaud tout l'été. Là ça va faire plaisir aux anciens, ça va arroser le jardin comme on dit. On est là, Francky dans la radio, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, vous m'appelez hein, si vous êtes intéressé par le poste de couvreur, de Z couvreur avec CDI à la clé, appelez-moi 02 38 43 48 00. Je vous donne les coordonnées de la société qui recrute. On cherche des personnes motivées, bien sûr, avec ou sans expérience. Voilà, comme ça peut vous faire un petit tremplin peut-être si vous voulez changer d'activité. Et bien voilà, 2 Z couvreur sur Orléans et sa région. Et du son qui arrive avec Baby Q, direction l'Espagne. Et que calor, les olé, olé. Justement, l'Espagne, il arrive dans moins de 20 minutes. Vístete rápido que hay ganas de ir de fiesta. Importa tú no la ropa que llevas puesta. Ayer el cielo estaba gris y llorando. Y ahora que el sol es nuestro estamos bailando. Quiero una música que me recuerda al África. Que todo el mundo de repente cambie página. Enamorarse con la luna en los mares. Volar sin señales. Y sin importarme cuando mis alas se van plegando. Te seguiré hasta el fin del mundo. No perderé un segundo. Volaré por ti de Milano hasta Hong Kong, pasando por Londres y desde Roma a Bangkok, buscándote. Olvídate tu trabajo al menos por un poco. La vida cuesta menos si nos vamos a Bangkok, donde la metrópoli encuentra el trópico y entre la gente parecemos casi microscópicos. Sale más fuerte así que el corazón me late, quiero un volumen que me mate. No voy a parar, voy a seguir toda la noche. Esta vida sin derroches, sin importarme cuándo, mis alas se van pegando. Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo. Volaré por ti de mí. Al fin que te voy a encontrar, que se corta la distancia entre tú y yo, que podremos juntos estar al fin los dos, y sin importarme cuándo. C'est l'Espagne qui arrive à 18h avec les balcons d'Espagne. La parole. Et puis du bon son des Soumières, il nous a quitté il y a quelques années. Déjà, ça passe vite. Ouais, presque 7 ans. Ouais. Ça passe. Hein. C'est Barry White. Let the music play. C'est sur un arc-en-ciel. Souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, 16h-18h. Courage à vous, hein, si vous êtes encore au boulot, c'est bientôt la fin. Ouais, on finit ça à 18, hein, il y en a beaucoup qui finissent à 18. On est là avec du soleil, du son caliente, souvenirs avec Bess et Cole qui arrive, et ça c'est mon coup de cœur radio et j'adore. Assim eu dei. Só quiseste ouvir aquilo que eu não te falei. Não pensei, perdi, mesmo assim não larguei.